Je ne rappe que ce que j'ai dans le ventre, la haine dans l'âme. Tu veux juger mon monde, viens entre, entre des barrières. Je vais passer ma vie par obstacle, obstiné à dépasser tous ces obstacles. À part une balle, mais qui peut m'arrêter? Je me fais rare dans ce bal, mais qui fait preuve d'honnêteté? J'ai pas confiance en un de ces zoulous. Tard le soir, j'entends le cri du loup. J'ai peur d'aucun de ces êtres humains qui le sachent tous, qui me voient tous comme un pacifiste, comme un arriviste. Je prends la paix, mais en période tendue, je m'exclame pour la guerre, bien entendu. Personne ne m'a attendu pour déclarer le massacre qui a voulu me voir pendu. La gorge rendue, striée par ses cris ardus. Je vois les gens avec une image tordue. Hors du 93, hors du 85, hors du monde qui marche à l'envers. Y'a tellement de gens qui veulent te la mettre de travers. Être hypocrite passe comme être sociable, une fausse aide sociale. C'est pas l'Afrique, mais je me suis mangé une rodka. Par rodka, ça amuse mon entourage. Je crois que ça nuit à mon entourage. La nuit, je stresse de par mon image. Je lutte pour ne pas devenir barge, j'ai vive en marge. Je lutte pour ne pas devenir barge, j'ai vive en marge. Je lutte pour ne pas devenir barge, j'ai vive en marge. J'ai confiance en personne. Aujourd'hui tu m'aimes, demain tu me détestes. Montre que tu crèves et les gens rêvent de prendre le reste. Si tout le monde m'abandonne, y'a que la musique qui reste. J'ai confiance en personne. Aujourd'hui tu m'aimes, demain tu me détestes. Montre que tu crèves et les gens rêvent de prendre le reste. Si tout le monde m'abandonne, y'a que la musique qui reste. J'ai confiance en personne. Aujourd'hui tu m'aimes, demain tu me détestes. Montre que tu crèves et les gens rêvent de prendre le reste. Si tout le monde m'abandonne, y'a que la musique qui reste. Laisse-moi t'expliquer, toi qui m'écoutes. J'ai débarqué dans ce bis-bis, ça coûte-coûte, je m'enlise, lise. J'ai pris pour habitude d'avoir de la maille au compte-goutte. Et les comptes-gouttes à ma négritude. Tu peux cliquer par ici, tu peux cliquer par là. On va te niquer par ici comme par là. Les scarlats reconnaissent l'adresse de mes textes. Un prétexte pour que mes textes changent la grosseur de mon sexe. Ex comme mon ex, ex-cobine. Voulais niquer mes ex-combines. Pas de sexe, ex-symbole, je suis mon ex-ex-idole. J'ex-ex-extériorise mes pensées ternes. Remplis la citerne à terme. Métisse comme mon épiderme, mon épilogue germe. Et mon flot de gêne, venu de mes gènes. J'pose comme un indigène. Dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu crois. Toi, hypocrite ou sociable, je ne sais pas. Vénère ou aimable, je ne sais pas. J'pose des rimes par centaines, j'me compose jamais sans thème. On dit que mon rap se plaint, on dit que mon rap s'éteint. Alors on dit des rimes pour que le rap s'étend. De temps en temps, je vois le temps qui change en Vendée. J'suis devenu un clandestin pour mes potes qui rêvent d'un grand destin. J'peux faire ma crime. Ouais, ouais, si on veut un grand destin. Ah, c'était quoi? J'vais poser un petit truc, tu vois, histoire de repartir dans une vibe un peu plus pique, tu vois. Puis j'vais te faire quoi, genre. Si, écoute ça.